Bonne fin d'après-midi à tous et bienvenue dans l'univers des musiques traditionnelles, des musiques du monde, des musiques à chanter et à danser. Et aujourd'hui, la danse aura une belle part dans cette heure de programmation de l'émission traditionnelle. On vient de commencer cette émission avec les accordéons et les rythmes un peu électroniques de la formation Groove Factory. Et on poursuit avec Camille en bal, Camille qui nous dit « Je me suis mise en danse ». Et voici Camille. Me suis mise en danse avec deux amants. Me suis mise en danse avec deux amants. Avec deux amants dans joli milieu. Avec deux amants en joli mot. Lo que mamá y mabo me saró la ma. Lo que mamá y mabo me saró la ma. Me saró la ma tan joli mieux. Me saró c'est my ma boss, qu'on fasse semblant. Galant, c'est my ma boss, qu'on fasse semblant. Qu'on fasse semblant dans joli milieu. Qu'on fasse semblant dans joliment. Me farias l'oreille, de quelques ribans. Me farias l'oreille, de quelques ribans. De quelques ribans dans joli milieu. De quelques ribans dans joliment. L'une vers Pentacosto, l'autre vers San Juan. L'autre vers San Juan dans le joli milieu. L'autre vers San Juan dans le joli mont. L'autre vers Tasnosos, belle cancéran. L'autre vers Tasnosos, belle cancéran. Belle cancéran dans le joli milieu. Belle cancéran dans le joli mont. Avec deux amants tant joliment. Me suis mise en danse avec deux amants. Me suis mise en danse avec deux amants. Me suis mise en danse avec deux amants. Me suis mise en danse avec deux amants. Me suis mise en danse avec deux amants. Voilà, c'était tout en douceur pour se mettre en danse. La prochaine danse est normalement beaucoup plus rythmée puisque c'est un costarouat du sud de la France. On va passer du côté de la Bretagne, mais en faisant un petit détour par les Balkans. Normalement, si on écoute le titre de ce morceau, le morceau s'appelle Costar Croate. Donc, jeu de mots par rapport à la danse qui est le costarouat. Et ça nous est proposé par une autre Camille, Camille M, dans le duo Cam et Léo.

la petite série consacrée aux Camilles. Si les autres Camilles étaient des filles, celui-ci, c'était un garçon, Camille Steimbra au violon, accompagné de Léon Olivier pour le duo Cam et Léon. On continue avec la formation Los Singjos et La Plaine et Per la Man, l'histoire d'un garçon qui a envie d'épouser Louise. Alors il va aller voir le papa pour demander sa main. Ensuite il l'emmène chez le notaire, chez l'orfèvre pour choisir une bague, à l'auberge, à l'église bien entendu. Et ça se termine, devinez où ça se termine, dans la chambre. Voici la formation Los Singjos. La prenez par l'amour, la prenez par l'amour, la main avec Jean-Pierre. La prenez par l'amour, la prenez par l'amour, la main avec Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre, mes beaux rires marida. En bas que la petite haute, mais la donna ria pas. Bonjour Jean-Pierre, mes beaux rires marida. En bas que la petite haute, mais la donna ria pas. La prenez par l'amour, la prenez par l'amour, la mène vers un notari. La prenez par l'amour, la prenez par l'amour, la mène vers un notari. Bonjour notari, mes beaux rires marida. En bas que la petite haute, passano un contrat. Bonjour notari, mes beaux rires marida. En bas que la petite passano un contrat. La prenez par l'amour, la prenez par l'amour, la mène vers l'orfèvre. La prenez par l'amour, la prenez par l'amour, la mène vers l'orfèvre. De toute bague, y a bien bouta d'avant. Mais la pauvre Louise voulait mal un diamant. De toute bague, y a bien bouta d'avant. Mais la pauvre Louise voulait mal un diamant. La prenez par l'amour, la prenez par l'amour, la mène vers la Yèze. La prenez par l'amour, la prenez par l'amour, la mène vers la Yèze. Vaille Louise, t'saudra avant ça ou pas. La messe sera dite, nous esposerions pas. Vaille Louise, t'saudra avant ça ou pas. La messe sera dite, nous esposerions pas. La prenez par l'amour, la prenez par l'amour, la mène vers l'auberge. La prenez par l'amour, la prenez par l'amour, la mène vers l'auberge. De toute viande, y a bien bouta d'avant. Mais la pauvre Louise, voulait ma de pain blanc. De toute viande, y a bien bouta d'avant. Mais la pauvre Louise, voulait ma de pain blanc. La prenez par l'amour, la prenez par l'amour, la mène vers la danse. La prenez par l'amour, la prenez par l'amour, la mène vers la danse. Danse que danse, yo pourrais pas danser. Mais la pauvre Louise perdia sa zambaya. Danse que danse, yo pourrais pas danser. Mais la pauvre Louise perdia sa zambaya. La prenez par l'amour, la prenez par l'amour, la monte vers ma chambre. La prenez par l'amour, la monte vers ma chambre. Vaille Louise, en bouta vous à genoux. Fare nostre priere e coizare in todo. Vaille Louise, en bouta vous à genoux. Fare nostre priere e coizare in todo. La prenez par l'amour, la prenez par l'amour, liquide cette sambaia. La prenez par l'amour, la prenez par l'amour, liquide cette sambaia. Vaille Louise, quitte à tout coutillou. Je quitterai ma braille et coizare in todo. Vaille Louise, quitte à tout coutillou. Je quitterai ma braille et coizare in todo. Voilà, on va rester plutôt dans le sud avec une danse qu'on n'écoute pas forcément dans toutes les émissions. C'est un congo, extrait de l'album Tuxasa, où on retrouve Guillaume Lopez et Clément Rousse. Il y a de nombreux invités et on retrouve Camille Steimbra dans les invités, ainsi que Simon Portefeuille pour ce titre Keivenguda Laura. Voilà, j'ai beaucoup de mal à parler l'occitan. on va changer de région avec le duo Blin-les-Ours. C'est maintenant un rond de sauterons que nous allons retrouver. Thank you.

c'était un petit moine, c'était un petit moine. Un petit moine du Tafoulet, un petit moine du whisk en l'air, un petit moine doré. Un petit moine doré, qu'allait revoir les filles, qu'allait revoir les filles. Le soir après le Tafoulet, le soir après le whisk en l'air, le soir après souper. Cette fois-ci du côté de Saint-Vincent-sur-Oust pour un rond de Saint-Vincent. On était au cœur de la Bretagne et pour le morceau juste avant, faut pas le titre de Fahrenheit, on était sur la presqu'île de Ruys dans le Morbihan. Voici maintenant un titre de la formation Barguenat, la batelière, en attendant de découvrir prochainement le nouvel album de Barguenat. Voici donc ce titre, La Batelière. Où sont ces messieurs de la cour qu'après dîner viennent faire un tour? Viennent faire un tour le long de la rivière pour voir passer la jolie batelière. Du vaisseau, voudrais-tu bien me passer l'eau? Bon monsieur, montez dans ma nacelle et vous et moi passerons la rivière. Et vous et moi passerons la rivière. Le bon monsieur ne fut pas monté qu'il commence à la badiner. Le bon monsieur ne fut pas monté qu'il commence à la badiner. Le bon monsieur, va-t'en. Je suis fillette sage, oui, dessus l'eau, je suis fillette sage. Oh belle, que ton cœur est grand, pour de l'argent pourrait-on l'avoir? Oh belle, mais que ton cœur est grand, pour de l'argent pourrait-on l'avoir? Mon petit cœur n'est pas plus grand qu'un autre, pour de l'argent, mon cœur sera le vôtre. Pour de l'argent, mon cœur sera le vôtre. Il compta de l'or en abondance. pas au bord de l'eau que le bon monsieur descend du bateau. Ne furent pas au bord de l'eau, le bon monsieur descend du bateau. Il n'eut pas mis le pied à terre, que la belle sœur repoussa en arrière. Que la belle sœur repoussa en arrière. Oh belle, si j'étais un oiseau, je volerais sur ton bateau. Oh belle, si j'étais un oiseau, mais je volerais sur ton bateau. Tu n'es pas un oiseau, ni même une hirondelle. De ton argent, j'en fais la demoiselle. Que me diront tous mes parents d'avoir dépensé tout mon argent? Que me diront tous mes parents d'avoir dépensé tout mon argent? Tu leur diras qu'en passant la rivière, tu l'as joué avec la batelière. Tu l'as joué avec la batelière. Voilà, une jeune femme qui ne se laisse pas faire, la batelière, ce qui n'est pas le cas de la prochaine héroïne, la bergère au château, qui, elle, va un petit peu se faire avoir. Voici la formation Décibal. L'autre séjour m'y promenant, tout le long de ce bois charmant, la l'air. L'autre séjour m'y promenant, tout le long de ce bois charmant, j'aperçois une bergère qui gardait ses blancs moutons sur le bord de la rivière en chantant une chanson. Je lui dis en souriant, que faites-vous là l'enfant, la l'air. Je lui dis en souriant, l'enfant, que faites-vous la solette? N'avez-vous point peur du loup? Voudriez-vous me permettre de m'asseoir auprès de vous? La formation Décibal que l'on retrouvera ce samedi du côté de Viglin dans le Loiret pour un bal. Et dans l'après-midi, il y aura bal des familles, toujours avec Décibal. Et le soir, bal folk à partir de 20h30 ou 21h. Voilà, je vais pas vous dire de bêtises. Le bal folk est à... c'est pas marqué... Donc c'est à Viglin avec également 20h30, voilà, le bal folk. Si avant d'aller danser avec des cymbales, vous avez envie d'aller faire un petit tour du côté de Blois, eh bien le vendredi 13, il y aura Radio Tutti Extrabal Quadriphonique et c'est donc à Blois à partir de 20h30. À Blois, à la maison de Bégon, pour être plus précis. Et on terminera nos idées de sortie le 28 février avec Zurka qui sera du côté de Saint-Privé-Saint-Mémin. C'était traditionnel sur le 96.2. J'espère que vous avez passé un agréable moment entre toutes ces bonnes nouvelles. Il y a malheureusement de temps en temps des nouvelles un peu plus tristes et les musiciens et danseurs de la région centre sont bien tristes d'avoir perdu Michel Parisot que l'on retrouvait dans La Bouline et dans le groupe Guerluchon il y a quelques années. Et voilà, il nous a quittés la semaine dernière. Alors pour terminer aujourd'hui, je vous propose de retrouver La Bouline avec le titre En Orléans-sur-Loire, petit hommage à Michel pour se quitter ce soir. Excellente soirée à vous sur le 96.2, excellente semaine, j'espère qu'on se retrouvera si tout va bien mercredi prochain à 18h. À très bientôt. Chantait sous le fer des chevaux suants et les c'est un pêcheur d'Alose au seuil de sa cabane qui veille comme on le suppose au frémissement de son filet là-bas au chemin de halage sous leur bricole. Voilà, c'était un petit hommage à Michel de la Bouline. Et si vous avez envie de le revoir quelques instants, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur votre moteur de recherche. Vous tapez la Bouline. Il y a un reportage sur le groupe où on voit les différents musiciens. Et Michel, il était au violon, bien entendu. Je vous souhaite une excellente soirée. Dans quelques instants, vous retrouverez les programmes de RDP International. A vila, na vila. Pronto, se não conseguirmos sustentar as águas neste rio abandonado, poderão vir à vila e ocasão logo do rio. Neste momento, o local preciso é onde? O rebentamento? O rebentamento é junto ao A1, portanto, na direção dos casais. Margem direita? Margem direita, sim. Portanto, as águas neste momento estão a vir para o Val Central.